bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurone. Mon nom est Jimmy Farley et je vais vous accompagner durant les deux prochaines heures. Et je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et aujourd'hui à l'émission, nous aurons Inner Prospect d'Italie, Tritop d'Italie, Kayuan de Finlande, Daal d'Italie, E-Molecule d'Angleterre, et on va conclure avec un classique du rock progressif, et j'ai nommé Camel d'Angleterre. Alors, on débute l'émission d'aujourd'hui avec une nouveauté très attendue. Il s'agit du groupe italien Inner Prospect, qui vient tout juste de faire paraître le troisième d'une trilogie. L'album s'intitule Canvas 3, et ça constitue leur 13e album en carrière. Ça, c'est depuis 2014. Et je vous rappelle aussi que ces musiciens-là font partie de la formation italienne Mad Crayon. Alors, on revient à Canvas 3 pour préciser que l'album contient 7 chansons pour une durée totale très généreuse de 68 minutes. Et j'en ai extrait pour vous Down Deep Orchestral Rendering et La Res Dei Conti. Alors, on y va avec Inner Prospect. Hello, je suis Alessandro Di Benedetti du groupe Inner Prospect d'Italie et vous écoutez Rock des Neurones sur les ondes de CF ou les FM de Trois-Rivières. Ciao! Thank you. stabili, quando il cielo era dentro la testa e nessuno poteva fermarci, sempre in fuga e sempre in festa. Riprendevamo tutto quel che brillava negli occhi, rischiavamo la pelle, farsi troppe domande non era per noi. Amico mio, la mia ombra, il mio raggio di sole, lungo il fiume al galoppo d'estate, nelle notti silenti e stellate. Tu mi seguivi e lanciavi i cavalli nel vento, finché un giorno d'inverno tutto quel movimento non ci bastò più, il destino correva per noi. Come un fulmine. Quando non l'hai fatto mai, hai paura del vuoto, ma noi puntavamo in alto al profumo dell'oro, nel momento dello scambio di improvviso lui tornò con il lampo di un proiettile. Quel che resta quando fuggi dal futuro che sarà è solo polvere negli occhi che rubando l'amore di una stella innocente e smarrita. L'inganno era pronto e brillava nel buio accecante, ma quel fine ingranaggio logorato dal cuore non funzionò più. Il destino correva per noi come un thank you. stai per morire. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous avez entendu avant la pause deux extraits du nouvel album Canvas Tree du groupe italien Inner Prospect. Alors, le deuxième bloc de l'émission contient une seule longue chanson et c'est interprété par le nouveau groupe italien Tritop. Ils viennent de faire paraître un premier album qui s'intitule Rise of Cassandra, duquel j'ai tiré la pièce The Sacred Law of Retribution. Ça, c'est une durée de plus de 23 minutes et 46. By solemn decree unanimously, we hereby declare thee a sponsor of the greatest malignity your fault you see. He's seeking for a medicine, the denial, forcing down a pill of cyanide. By giving up your own life, you recede, you see your natural right to be alive, my dear. As formal dare I say, heavy hearted felt a tournament to the king. All his subjects who dare to defy his majesty are forced to give up all and any pretense to life among us free men. By means of poisoning of various degrees, you will the felony for records erase for good, my dear. We'll be right back. looking for a guide in the sands, or amidst the fires, answers no one spoke of here in the island, in the tower. Thank you. stretch upon the miracle you are. The beauty lies beyond, far beyond hate, further than. Judgments, memories made of hatred, heritage. Your will, love for me, and your judgments cry with me. For the island fell from your hands, suffered in. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous débutons le troisième segment de l'émission d'aujourd'hui avec un extrait d'une nouvelle compilation qui vient de sortir. C'est un ouvrage qui regroupe des chansons de la carrière du groupe finlandais Kayuan et de qui on connaît 9 albums depuis 2007. Alors, ça sera suivi du groupe italien Dahal avec un extrait de leur plus récent album Daedalus. Et on va conclure avec une nouveauté de E-Molecule, le groupe actuel de Simon Collins. Je rappelle qu'il est auparavant faisait partie de Sound of Contact. Et le titre de l'album, c'est Architect. Thank you. Yes, I see. I see. Yes, I see. I see what's happening to me. No time to pretend that what you see, it has no means to an end. With all that's good, pure of light to defend. If not now, then I ask you if when. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Nous sommes maintenant rendus au quatrième et dernier bloc de l'émission qui est consacré à des albums classiques du rock progressif et j'ai choisi cette semaine l'album Moon Madness de Camel. Ça, c'est paru en 1976 et l'album, c'est le quatrième d'une série de 15 et c'est aussi l'un des derniers albums du groupe qui a obtenu un réel succès d'estime là, avec une cote de 4,39 sur 5. Ça, c'est de la part des membres du site Prog Archives. Alors, je vous les présente tout de suite. Camel. Camel.